Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit alors que nous débutons à l'instant le troisième point du chapitre 11 intitulé « Dernier effort de modernisation des Qing ». La défaite des boxeurs dont nous venons de parler aux mains de l'Alliance des Huit Nations s'est avérée une profonde humiliation politique pour la dynastie Qing qui avait supporté et encouragé le mouvement. À l'intérieur du pays, les divisions régionales se sont accentuées alors que plusieurs provinces du Sud avaient refusé de suivre les Manchous dans leur déclaration de guerre contre les Occidentaux. Et la dynastie Qing se retrouvait donc, encore une fois, en perte de légitimité politique. De plus en plus, on remettait en question leur légitimité à prétendre gouverner la Chine avec le mandat du ciel. Sur le plan des relations avec l'étranger, les puissances impérialistes occidentales se montrèrent tout à fait intraitables et la dynastie Qing se retrouva complètement acculée au pied du mur. Confrontée à une forme d'ultimatum, la dynastie n'eut d'autre choix que de se lancer dans un processus de modernisation en profondeur, impliquant une transformation radicale de ses institutions afin d'atténuer le courroux des forces internationales. Les puissances impérialistes exigèrent de la dynastie Qing une réforme en profondeur et une ouverture plus grande sur le monde lui fut aussi imposée. La seule solution qui restait donc à la dynastie Qing, si elle voulait conserver une forme de légitimité politique pour gouverner, autant face à la population de l'intérieur que face aux puissances de l'extérieur, c'était de se lancer dans un programme de réforme radicale et de mettre en place une modernisation complète des institutions politiques et de la société. C'est ainsi que les Manchous lancèrent donc en 1901 le programme de la nouvelle politique, Xincheng, qui comprenait plusieurs mesures importantes, et c'est un programme qui s'inspirait fortement des transformations qui avaient eu lieu au Japon à la fin du 19e siècle, depuis le début de la réforme de Meiji. Dans un premier temps, la dynastie Qing mit en place une réforme du système d'éducation qui passa par une abolition en douceur du système d'éducation traditionnel. Des écoles modernes furent mises en place avec des paliers de formation entre l'école primaire, le secondaire et l'université, ce qui en chinois se dit tout simplement Xiaoxue, Chongxue et Daxue, soit la petite, la moyenne et la grande école. À cette réorganisation des structures d'encadrement, on ajouta une standardisation graduelle des matières enseignées et des sujets importants qu'on se devait d'apprendre, sujets qui ne se limitaient plus à l'apprentissage des classiques de la tradition chinoise. De nouvelles matières furent ajoutées au cursus de base et la langue anglaise y occupait une place de choix. Conséquemment, un nombre important de professeurs étrangers furent embauchés pour l'enseignement de ces nouvelles matières. Parmi les écoles supérieures, le Collège Nanyang de Shanghai, fondé en 1896, et l'Université de Beijing, qu'on appelle Beita, fondée en 1898, deviennent des lieux de savoir incontournables. Finalement, comme point ultime de cette réforme du système d'éducation, les examens impériaux furent officiellement abolis en 1905. Au cours de cette période de réforme qu'on appelle la nouvelle politique, l'influence du Japon a été considérable sur la Chine, essentiellement parce que les Chinois trouvaient au Japon un modèle asiatique de modernisation et de réforme réussi, duquel ils pouvaient s'inspirer plus facilement que les modèles occidentaux. Même si leurs langues sont grammaticalement différentes, disons, complètement différente. Les Japonais utilisaient encore l'écriture chinoise pour de nombreux textes, ce qui facilitait une fois de plus l'adaptation du Japon vers la Chine, des modèles de pensée politique et économique inspirés de l'Occident. Signe de l'engouement pour le modèle japonais à cette époque, on retrouvait plus de 15 000 étudiants chinois envoyés au Japon en 1906. Ce nombre est particulièrement significatif, surtout quand on le compare avec le nombre d'étudiants maximal qui avait été envoyé aux États-Unis dans le cadre du mouvement des choses de l'Occident, soit un total de 120 étudiants en 1875. Même chose quand on regarde du côté des livres étrangers qui furent traduits en Chine. Il y en eut un total de 573 entre 1902 et 1904. Et c'était des livres qui traitaient autant de politique, de philosophie que des arts divers. Sur le lot, environ 6 % des ouvrages traduits venaient des États-Unis, 10,5 % venaient de l'Angleterre et plus de 60 % des ouvrages venaient du Japon. Et encore une fois, la comparaison entre le total de 573 devient saisissante lorsqu'on regarde le nombre de livres étrangers qui avaient été traduits au cœur de l'effort de modernisation du 19e siècle, soit un total de 22 en 1888. Le mouvement de réforme lancé au début du 20e siècle par la dynastie Qing a été d'une ampleur considérable. Et le Japon y a joué un rôle de premier plan en tant que modèle de réussite. Ceci a de toute évidence contribué à une augmentation prodigieuse de la circulation des nouvelles idées sur de nombreux sujets, incluant la politique, la philosophie, les arts, les sciences, la démocratie, le parlementarisme, la constitution, le concept de division des pouvoirs, la liberté, l'égalité des sexes, l'anarchisme, le socialisme, et j'en passe. Dans ce contexte de bouillonnement social très intense, des associations professionnelles furent aussi créées, comme une chambre de commerce qui voit le jour en 1904, une association pour l'éducation en 1905, une société agricole en 1907, et ces associations furent plus tard suivies, après l'établissement de la République, par une association des avocats en 1912 et une association des banques en 1913. Durant cette période de transformation, on assista aussi à d'importants changements au niveau de l'apparence vestimentaire et de l'image, tant dans les rangs militaires qui adoptèrent les parures à l'occidental, avec les grades et les décorations sur les uniformes, que dans les rangs civils qui adoptèrent le costume occidental avec le veston. Notons aussi que les plus radicaux de l'époque vont immédiatement couper leur natte en signe de rébellion. Cette coupe de cheveux qui avait été imposée par les Manchous en signe de soumission dès 1645. Dans ce vaste contexte, le gouvernement impérial de la dynastie Qing préparait une vaste réforme de l'appareil d'État, reposant d'abord sur un élargissement et une diversification des composantes de la structure étatique. D'abord, un ministère des Affaires étrangères fut créé en 1901 et un ministère de l'Éducation en 1905. Puis, entre 1905 et 1911, diverses mesures furent mises en place pour préparer l'avènement d'un régime constitutionnel. Et tout cela commença avec l'envoi d'un groupe d'études en mission à l'étranger en 1905-1906. Constitué de 3 Manchous et de 2 Chinois, les délégués de ce groupe d'études se rendirent au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie et en Russie, afin d'y étudier les particularités constitutionnelles de ces différents pays. On recommanda finalement l'adoption d'un modèle constitutionnel calqué sur le modèle japonais, qui lui-même s'inspirait fortement du modèle prussien, proposant un équilibre entre la Constitution, le Parlement et l'Empereur. En 1906, un édit impérial fut promulgué en vue de la Constitution à venir, mais en 1908, tout s'arrêta net. L'empereur Guangxu et l'impératrice douairière Cixi moururent tous les deux. C'est alors que l'empereur Puyi monta sur le trône alors qu'il n'était âgé que de 3 ans, ce qui, on s'en doute, créa un important blocage au niveau des changements politiques qui étaient alors en cours. Le projet de réforme politique menant à l'établissement d'une constitution par la dynastie Qing viendra tout de même à prendre forme, mais pas en suivant le chemin des voies officielles qui commençaient à être tracées par l'entourage impérial. Pour bien comprendre la manière dont la révolution républicaine a pris forme dans la Chine du début du 20e siècle, il nous faut replonger à nouveau au cœur du mouvement des choses de l'Occident, afin d'explorer une des facettes que nous avons précédemment mises de côté, afin de la garder pour le 4e et dernier point de ce chapitre, alors que nous allons aborder la question des villes portuaires et de la nouvelle intelligentsia. Nous avons parlé au cours des 2 derniers chapitres du choc des guerres de l'opium et du mouvement des choses de l'Occident qui s'en est suivi. Nous avons vu un mouvement de modernisation et de réforme mis en place par la dynastie Qing afin de faire face aux défis posés par la présence de l'impérialisme occidental. Nous avons parlé de l'échec de ce mouvement et nous venons tout juste de voir l'ultime tentative mise en place par la dynastie visant à établir un projet de réforme constitutionnelle. Comme nous venons de le dire à l'instant, la réforme constitutionnelle viendra bel et bien, mais pas de l'endroit d'où on l'attendait. En fait, tout ce que nous avons mentionné jusqu'ici concernait surtout les décisions politiques énoncées par le gouvernement, mais nous avons très peu parlé des diverses réactions de la population en face de cette présence croissante des puissances impérialistes en Chine au 19e siècle, ce qui est en fait un point extrêmement important à considérer et à ne jamais perdre de vue, puisque c'est précisément de cet endroit que prit forme l'essor révolutionnaire qui vint complètement changer la donne à partir de l'automne 1911. En fait, il est bon de rappeler d'emblée que la Chine n'est pas et n'a jamais été un bloc monolithique uniforme. En ce sens, les événements qui se sont produits au 19e siècle à partir d'un endroit donné n'ont pas eu les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de la Chine. D'ailleurs, au 19e siècle, on remarquait déjà une tendance à la régionalisation des pouvoirs qui se faisait au détriment du pouvoir central, et ce, même avant le déclenchement des guerres de l'opium. Cette décentralisation des forces politiques était liée notamment au déclin de l'autorité centrale forte. Mais paradoxalement, comme on l'a vu dans le contexte de la révolte des Taiping, cette régionalisation du pouvoir a contribué en quelque sorte à la survie de la dynastie grâce aux milices locales qui étaient très efficaces. On peut voir un exemple qui montre parfaitement l'impact de cette tendance à la régionalisation du pouvoir sur le long terme dans le cadre de la révolte des Boxers. Lorsque la dynastie Qing avait déclaré la guerre, une guerre ouverte contre tous les étrangers présents en Chine, plusieurs provinces du sud du pays avaient carrément refusé d'entériner l'ordre et de suivre les directives impériales. Cela étant dit, c'est dans ce contexte de fragmentation et de régionalisation qu'il faut voir le rôle joué par les villes portuaires, des villes qui étaient ouvertes à la présence des Occidentaux par la force des traités imposés à la dynastie Qing. Au-delà des polémiques entre historiens entourant l'impérialisme occidental et la question de l'invasion de la Chine qui lui est associée, même si les villes portuaires ont été ouvertes par la force des canonnières occidentales, celles-ci doivent aussi être vues comme les lieux privilégiés d'une rencontre entre deux mondes, comme une zone de contact favorisant les échanges d'idées entre les civilisations. En fait, les villes portuaires de la Chine à la fin du 19e siècle sont de véritables creusets identitaires, un lieu de floraison intellectuelle où l'on voit l'émergence et la circulation de nouvelles idées, accompagnées de transformations sociales, économiques, culturelles et matérielles qui sont présentes dans le paysage. Dans les villes comme Tianjin, Shanghai, Ningpo, Fuzhou et Xiamen, pour ne nommer que celles-ci, le contact permanent entre les Chinois et les Occidentaux marque les populations d'une empreinte indélébile, témoignant d'un métissage remarquable dont les traces sont de plus en plus visibles dans le quotidien des gens. On le voit dans le paysage urbain, l'architecture, les plans d'urbanisme qui sont modifiés, l'aménagement des rues, les parcs, l'éclairage au gaz qui fait son apparition, l'eau potable, etc. Les villes portuaires, les villes du littoral se transforment et cette situation particulière vient amplifier une dichotomie très importante de l'histoire de la Chine sur laquelle nous avons déjà glissé quelques mots précédemment. Il s'agit de la distinction entre la civilisation de la côte et la civilisation continentale, dont l'écart entre les deux ne cessa d'aller en grandissant à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. À partir de ce moment, la civilisation de la côte prend une tangente unique de l'histoire chinoise, alors que toutes les industries se développent dans les villes côtières, et elle ressemble un peu à des joint ventures impliquant une participation croisée entre des Chinois et des étrangers, comme ce fut le cas pour l'arsenal de Fuzhou, par exemple. Et la situation était similaire pour les écoles de langue et pour l'ensemble des projets diplomatiques qui étaient mis en œuvre à l'époque. Nous poursuivrons sur cette thématique la semaine prochaine et pour la dernière pièce musicale de la journée, nous allons revenir à l'idée des standards sociaux tels que mentionnés en début d'émission. En présentant l'histoire d'une femme héroïque, une parmi celles qui ont, à partir de leurs actions, remis en question les standards de ce qui était attendu d'elle dans la société. On connaît les stéréotypes à l'égard des femmes chinoises, ainsi que les carcans sociaux qui les maintenaient à l'écart de la vie politique dans l'histoire ancienne. Il y eut certes quelques exceptions à travers l'histoire, à commencer par Wu Zetian, qui fut la seule femme empereur de Chine entre 690 et 705. Sur le plan des exploits militaires, tout le monde connaît la légende de Hua Mulan, dont l'histoire a été popularisée par Walt Disney. Mais on connaît moins bien l'histoire véridique de Liang Hongyu, une jeune femme qui s'est distinguée lors de la bataille de Huang Tiantang, une bataille qui a eu lieu au début de l'année 1130. On raconte que Liang Hongyu avait été initiée très jeune aux arts militaires par son père et elle se distingua lors de la fameuse bataille de Huang Tientang qui eut lieu dans les environs de la ville de Nanjing, alors que l'armée des Qin tentait de conquérir le sud de la Chine face aux Song. Elle a tenu le fort durant une bataille qui a duré 48 jours en compagnie de celui qui devint son époux, Han Shizhong. Alors qu'elle battait les tambours de guerre pour encourager les troupes et que lui dirigeait les armées, ensemble, ils sont parvenus à repousser l'armée des Qin. C'est l'histoire de cette bataille célèbre qui est racontée dans la pièce musicale que je vais vous faire entendre, une chanson du groupe Mr. Rain, Xiao Yu, dont le titre est Chuling, ce qui signifie soie rouge. Le groupe nous propose un métal mélodique entrecoupé de récits tirés de l'opéra cantonais, accompagnés de flûtes et de tambours, qui mettent en scène l'héritage de Liang Hongyu, une femme qui ne s'est pas contentée de jouer le rôle attendu d'elle par les standards sociaux de son époque. Voici donc le groupe Mr. Rain avec la chanson Chuling, une pièce qui se veut un hommage à toutes celles et ceux qui osent encore défier les standards sociaux et qui n'hésitent pas à faire tout simplement ce qui doit être fait. Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧。 Thank you. 离骨俗变虎象声，鸡莫是三军将士齐领命，杨氏操鼓亲督战，党内迷阵气势牵港天地尊， 黄天荡杀气呀！